L'émission Nuisance, donc il est 21h10, nous sommes le 11 février 2011, un vendredi comme d'habitude, 21h-23h, vous avez l'occasion d'écouter Nuisance tous les vendredis, entre 21h et 23h sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le web. Avec ce soir au programme, un peu plus tard, une session avec des gens. Possibilité d'écouter ou non, comme d'habitude. Ceci est donc un symbole de l'unité absolue, union avec soi-même, bien sûr. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un gros bordel qu'on n'entend pas pour une fois. Donc dans une émission qui nuit, un bordel qu'on n'entend pas, et ben ça peut toujours faire quelque chose ou pas. D'habitude, nous sommes tolérants envers nous-mêmes et envers les autres. Le bordel est donc monstre, comme d'habitude. M'entendez-vous ? Eh bien non, vous ne m'entendez pas. Parce que je sais que vous n'avez pas mis cette station de radio dans vos antennes. Vous allez donc mourir d'absurdité et vous nuire à vous-même sans même vous rendre compte que nous sommes là donc, pour vous nuire nous-mêmes. sommes là pour vous nuire, vous. Ah. Et donc, en parlant de désordre, nous abolirons donc l'esclavage ce soir en désobéissance, je veux dire, à la civilité. Rénitence absolue. Rénitons. Et donc, dans la pénitence, il y a rénitence, et donc on arrive à déliquescence. Donc, qui rime avec liquéfaction. Qui rime donc avec enchaînement causal. Enchaînement causal, donc entraîné par une défécation, donc un défécement sur un désordre obnubilatoire. J'observe une tendance pathogène à l'obnubilance, donc toujours cette obsession fatale. Fatale distraction, je devrais dire. Peut-être un divertissement, spectacle, saurais-je dire. Donc en liquéfaction, donc toujours déliquescence. Déliquaissons-nous. Donc passagère, excusez-moi d'avoir roté dans le micro, je roterai à côté la prochaine fois pour vous éviter ce trépassement comme dépassement ou ce trépassage comme repassage donc d'azur. J'ai mis des micros très forts pour que ça fasse des larcènes, donc n'hésitez pas à larcéner micro si vous entendez tout cela. Répondez donc à l'azur par le bleu de tes yeux. Écoute, si tu veux du feu, tu viens le chercher et je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas la main droite tant que tu n'auras pas pris le feu, donc tu seras en état de réception imparfaite avec la folie. J'ai mal aux oreilles d'un coup, je crois que le casque a pété dans mes tympans. Toujours ce liquide, donc eau, l'eau. La fluidité absolue d'un repassage donc obnubilatoire, comme nous l'avons déjà entendu sur la passion présente. On risque d'avoir un petit peu de gêne dans les micros, la libiditance interventionniste toujours saccadée. Donc. Comme un problème, je crois que le scud a sauté, tout simplement. Il a sauté dans le gouffre des pauvres gens. Qui crissent sous les pneus. Les gens donc, bon. Les gens bons et les gens cons, toujours le débat entre. Là, je crois que les platines débarquent carrément d'une autre planète. une situation inhumaine, s'il en est une. Je ne supporterai pas plus de crissements aujourd'hui, donc je vais éteindre. Essayer tout du moins. Comme un feu qui marche pas dans la pièce, donc si vous voulez bien sortir, s'il vous plaît. Tant que le feu ne marche pas dans la pièce, l'on sort et quand le feu sera mis, on rentrera dans la pièce. Voilà, c'est tout, c'est la loi, il faut la respecter. Le désordre est permanent et toujours omnibilant. N'oublions pas l'incohérence. Prout, Prout, et donc la vérité ce soir, Prout, le thème favori de l'émission de Nuisance, 92.2 FM, Canal Sud, non pardon, ce n'est pas la radio Canal Sud que vous écoutez, c'est bien la radio qui appartient à Nuisance, donc Nuisance avec un S à la fin, entre parenthèses au pluriel, nous rendons hommage ce soir aux non-dédicaciens, et donc à vous les hommages, donc les non-dédicaciens, ça rime avec chien, mais vous n'en êtes pas, vous n'êtes pas des chiens. Vous ne dédicacez rien, ce n'est pas la même chose. Et donc toujours cette vacuité, donc extrême absence. Douceur et maîtresse de l'azur, toujours. Ne l'oublions pas. Thank you. Il y a donc le silence pour quelques secondes dans l'émission Nuisance. Profitez-en car ce soir les interventionnistes sont arrivés. Ils vont donc intervenir passivement en ne faisant absolument rien dans un bruit de fond totalement insupportable, celui d'une session donc enregistrée cet après-midi même. Donc deux sessions, je devrais dire une paire de sessions donc d'une demi-heure environ. La première session étant donc la première session, la deuxième étant la deuxième. Je vais recommencer l'enregistrement jusqu'à répéter cette phrase continuellement sans répéter les premières paroles, c'est-à-dire là. Donc je vais répéter session, session, session, une ou deux, continuellement sans m'arrêter. Donc la synchronicité sera extrême. On arrivera à une apogée de la catharsis, donc grâce à moi. Je m'en remercie d'avance. En attendant, il n'y a absolument rien sur vos antennes. Donc je vais mettre quelque chose de pénible, comme à l'habitude dans l'émission Nuisance, nous visons donc la nuisance, ou les nuisances, donc le bruit étant une des nuisances possibles. Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, il est maintenant 21h27, ce n'est pas le journal, non, c'est une émission, c'est pénible, donc attendez-vous au pire. Oui, je sais, c'est assez pénible à écouter, il ne faut donc pas l'écouter, ne fixez pas votre pensée sur le son, fixez votre pensée sur rien et donc ne pensez pas. Je sais, c'est assez impressionnant dans un premier temps, mais les vagues, donc obnubilatoires ne feront que passer un certain temps passager, celui de la vie donc présente, morbide. Vous pouvez également faire des sons organiques ou biologiques, des sons d'animaux, tout renaclement ou stridence, donc est la bienvenue, ou non, au contraire, une constante vibration dans la structure de l'ensemble fera son affaire. Toujours le blabla habituel, on peut entendre sur toutes les radios libres. C'est très douloureux. Donc, si vous voulez ne pas renacler, ne le faites pas. Ne pas renacler. Renacler. Renacler, ouais. Comme un racler. Les raclures. Quelqu'un a essayé de parler peut-être. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu peux parler plus fort. Tu peux ne pas parler plus fort. Mais je sais. Ocean, Merry Christmas. Dieu, un Larsen. Plutôt derrière le carton, s'il te plaît. Plutôt derrière le carton. Non, mais plutôt derrière, tu vois. Déchirer jusqu'au bout, si tu veux. Thank you. un soupir. Qu'est-ce que t'entends ? Je sais pas. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, test. Ça fonctionne. Micro. Aboutissement. Néandertal, néo-palétien. Parallépipède. Rimé avec le palais. Bipède. Triangle. Quadrupède. Cercle longiligne. Envahissant. Troublant. Silencieux. Perpétuelle boucle enfermante. Bouche. Bouche. Trouble. Trouble. Fœtus. Perdu. Fœtus. Perdu. Addict to life. Yeah, forever. 100% naturel, 100% végétal, certifié biologique, garanti sans OGM. Un truc, ce que je veux dire. Ouais, il a dit que c'est pas sûr. Il a dit quoi? C'est pas sûr. Il a dit le contraire, quoi, je veux dire, tu vois. Le contraire du... Ça bah, dépend. C'est parce que, tu vois. Le contraire du parce que. Le parce que, au contraire. De toute façon, on dit toujours ça. Mais c'est quoi le pourquoi? C'est parce que le contraire, quoi. Ouais. C'est une bonne idée, ça, non? Ouais, tout pareil. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Pareil. Copieuse. C'est moi qui... Pareil. Qui c'est qui est réticent, là? Ou réticente? Réticent! T'es des pieds. Pieds d'été. Les rétines. Qui ne sentent des pieds. Jeter des pierres. C'est l'été. Les dents qui transpirent. Je transpire des dents. Moi j'ai mal aux cheveux. Et ça grince. Et ça pousse à l'intérieur. Ouais. Et c'est toujours édenté en plus. C'est ça qui est bien avec la vie, c'est que c'est la vie. Mais la mâchoire grince. Il fait froid. 100% végétal, certifié biologique, garantie sans OGM. Traumatique. Autiste. Post-idéen. Comme un son saturé. California Redeem. Une infrastructure dorée, donc sur un agir non volontaire. Ne pas oublier donc l'absurdité de l'existence, en oubliant donc l'existentialisme absurde. Comme un sens éteint sans interdit. J'ai comme envie de dire, laissez-vous aller ma petite dame, allez-y, parlez. Mais ne déambulez pas trop dans les couloirs de l'enfer, les limbes étant donc l'azur toujours bleu ardisant. Comme une jalousie de crécelle, comme une peau de ballon usé. Bleu bite. La bite. La bite. La bite, vous avez bien raison. Ouais. Blablabité. Blablaté. La bi. L'habitat, l'habitude. La bière. Ça m'habite. Le la doute. Bile. La bilaire. Le doute t'habite. Le doute en moi épidermique. La la la. L'air. La bite qui tue. La bite qui tue. La bite qui tue c'est ne fait pas, pas le moine. Dit, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, je ne le dirai plus. C'est pas le moine. Je respire, c'est la dernière fois que j'ai dit le mot bite dans mon émission, je le jure. Le casque. Je respire. Je refuse d'être témoin d'une saturation dans le micro. Je respire. Je vais donc vous couper violemment la vocalisation. Vous y croyez. Jamais. Jamais. Pouvoir. Non, pourrir. Comme pouvoir donner, pouvoir voir, pouvoir déblatérer. L'expression donc flagrante d'une flatulence jaculatoire. De pouvoir jusqu'à ne plus voir. Et maintenant, la météo. Pouvoir faire. agir donc contre son gré, la perfection. Le minimum. La pomme. Il fut un temps où les pommes étaient heureuses. Les belles pommes. Pims, pardon. Les pims, les beaux pims. Les beaux pins. J'aime les pins de Schtroumpf ou de Pif Gadget. La fin. Avec Eve et un serpent sur la main. Au commencement, le toucher. Rectal. Serpentin, quoi. Oh putain, mais c'est moi qui voulais pas dire rectal ce soir. D'abord, c'est toi qui dis, c'est toi qui dis. C'est pas celui qui dit qui est, tu vas me dire. Croisez ne compte pas. Croisez ne compte pas. Pouce. Est-ce que tu viens de me dire que je suis un anus ? Dilaté. Je ne dirai pas latte ce soir. Je vous jure, chers auditeurs et auditrices, dilaté. Je ne dirai pas latte ce soir. Dilaté. Si j'étais toi, je ne dirais pas ça. Café con latte. Léchez-moi. Le lait. La laideur du mou. Mangez la pomme. Le molasson. Touffe-toi avec ta pomme. La gravité. Toujours sudation. L'odeur du poil. À l'envers. À l'endroit. On peut faire des dédicaces. De l'envers. Big up, big up. Courera. Le poil de... Les écarts et les recherches. 3-1, 3-1, big up. 3-1, big dédicace. Case dédiée à mes amis. Les poils de son maladie, les intestins recherchent son chemin. Il était une fois dans l'ouest, un petit bonhomme avec une bosse comme ça, et puis marcher, marcher, toucher ma bosse. Toucher ma bosse. Un chameau ? Toucher ma bosse. Ma bosse en flotte, touch me babose, baby. Babose. So touch me again, yeah, touch me. Toucher. Touche-moi, mon enfant. Touche. Regarde, tu portes à bon nom. Toucher la chatte à la voisine. Ça va pousser. Là, on est que des voisines. Oui, mais ça devient compliqué parce que quelle chatte on doit toucher en fait. Ma voisine de droite, ma voisine droitière. De gauche, ma voisine. Je suis ambidextre. Bah écoute. Je suis ambidextre, mais j'ai les bras courts. T'as le bras long ? Non, très court. C'est con. Tant pis, je toucherai la mienne. Touche-toi ! À la limite de la lubie, c'est toujours la folie, je crois, tu sais. Non, mais... qu'est-ce que t'en dis, tu peux rougiverser, quoi, je veux dire. Tu peux venir me calamarer dans la tête. Tu vois ? Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais fais-moi une trace, quoi, s'il te plaît, quoi. De frein dans le fut, quoi. Tal. Bah, il y a une trace. Non, mais je veux dire, tous les matins, c'est pas possible. Une trace de pneu ? Frein. La lubie d'être nubile. Nubilé, quoi. Masturbation intellectuelle. Branlette intellectuelle. Propos sans aile. Lettre de branlette bi. Je peux pas s'y adonner. Continue à rêver. Carbido au pantai. Donc nous sommes dans une permanente tergiversation. Nous en sommes arrivés donc aux hommes humains, je veux dire, à la même conclusion que ce soir l'omnibulance donc de la passion est figurative pour une donc déblatération continuelle de l'interminable cessation. Voilà. Veuillez passer à la caisse numéro 2, s'il vous plaît. La cessation, donc, étant l'étude de la vacuité. La caisse numéro 8 est fermée pour une durée indéterminée pour le moment. Nous vous remercions. La causalité est donc conséquence de elle-même, immanence de l'extrême. Veuillez vous diriger vers la personne responsable du service. Le paquet entre les jambes de quelqu'un est-il sur le point d'exploser ? La question suivante. Si vous trouvez un paquet vide sans nom, veuillez le signaler à l'hôtesse d'accueil. Et entre guillemets, n'entendez pas entre guillemets, mais entre guillemets. Donc, mais-y, Guy, le Guy dans le pré. Petite fille, mais-y, Guy, le Guy dans le pré, m'entends-tu? Mais-y, le Guy dans le pré. N'attend pas sa maman. Liberté, liberté. Oh mon Dieu. Liberté. Elle est au rayon bonbon. Au rayon bonbon, les nouveaux bonbons roses et verts sont à disposition pour le goûter. Au rayon bonbon. Oh mon Dieu, des bonbons partout. Dégustation libre. La vie est belle, enfin. Dégustation libre. J'espère avoir un foie en l'état de... Tout état de cause. Jaunisse. Ce soir. Une bière. Gloops. Gloops. I wish me a Merry Christmas. I wish me a Merry Christmas. I wish me a Merry Christmas. Me, me, me, me, me. I wish me a Merry Christmas and a fucking New Year every night, fucking all the time. I wish me a Merry Christmas and fucking all the time every night, and panties and pantyhose and a lot of trash cans and dustbins in the lorry. California. Let's talk of California and fucking California. Please. California. Fucking California. Forking. I wish I were happy. But I'm not. I'm not a nut. Mon doigt a ripé donc ce soir pour vous en live à exactement 21h43. Mon doigt a ripé pour vous ce soir. Faut pas que ça aille dans le rouge en fait, vraiment, tu vois. Faut juste que ça aille à peu près dans le rouge, mais pas trop, pas comme quand je suis en train de faire ça, tu vois. Et quand je le fais pas, c'est parfait. Là, tu vois, c'est parfait. Nickel là, tu vois, tu touches plus là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris ou quoi? Compris. Ouais. On dit chef. Oui, chef. Oui, chef. Non, on dit chef, c'est tout. Tu peux appuyer là sur le bouton? On dit pas, non, on dit pas tout. On dit passé non plus, on dit pas ce apostrophe, on dit pas chef, on dit chef. Chef. Non, mais pourquoi vous dites chef? Vous êtes nul. Mais vous êtes n'importe quoi, vous êtes pas désobéissante. Je vous ai demandé d'être désobéissante. Soyez désobéissante. Civilement. C'est pas juste. C'est moi qui devais faire ça à ce moment-là. C'est dégueulasse. C'est toi qui es dégueulasse. C'est vrai. 92.2 à Radio Libre. Canal Sud. Moi. Radio Libre sur Skyrock. C'est donc écrit sur les murs, spécial dédicace à Skyrock, la radio de merde par excellence. Ouais, bien wesh, Skyrock, on t'aime pas. Wesh, la famille, dédicace. Casse dédiée à la Californie, à Étienne, à Michael et à toute la Californie du Sud et du Nord et de l'Ouest et de l'Est, mais surtout du centre, quoi. Ouais, et n'oublions pas le fist fucking ce soir. Yeah. Le fist fucking, rien pour toi, baby. I love you, California. Oh oui, bébé, oh oui. J'ai fait mes ongles pour toi ce soir. Oh, fais-les encore, s'il te plaît. Ah oui. Au fond de mon trou de balle, Al. J'en rêve, tous les soirs. Ah, il n'y a plus de son, je crois que le CD est fini, ou non, peut-être pas. Faut que je regarde, mais je ne vois rien. Que vais-je faire ce soir? Bon, des conneries comme d'habitude. Jusqu'à 23h, donc vous subissez nuisance. Oh, l'horreur. C'est-à-dire que vous réagissez? Subir ou réagir? À l'ouest, au nord, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Vous la vomissez. J'ai perdu la boussole. J'ai perdu la boule. Vomir la vie. La boule. À droite? À les boules. J'en ai une paire. Débat. Faut-il plus d'une paire de boules. Pour quelle utilité? Première réponse, oui, il faut se raser les boules. Deuxième réponse, non, il ne faut pas se raser les boules. Faire ses lapsés. Pour purer les... Ça coule et je déballe et je déboule. Pouh. Boule. Ouh. Poil. Je préfère quand ça rime en houille. Jacouille. La fripouille. Non, juste couille. Couille. Ou mouille. Ouais, ou mouille. Jute. C'est super. Je kiffe les émissions de merde, comme moi. C'est-à-dire l'émission qu'on fait. Vous voulez vous présenter? Vous n'êtes pas obligé. Bon, vous êtes vraiment pas obligé. Tant mieux. Vous présentez pas, c'est honteux d'être dans mon émission. Si, 23 ans, c'est ma première ce soir. Célibataire, donc suivante. Lucie. Salut Lucie, bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bravo. Merci. Salut. Bravo Lucie. Salut, merci, c'est à mon tour maintenant. Salut, je m'appelle Al, Lucie. Tu vois, moi aussi, je suis célibataire comme bonjour, toi. Bonjour Al. Bonjour Al, bienvenue. Salut, tu t'appelles comment toi? T'es célibataire? Salut, moi c'est Ali. T'es célibataire? Ouais, célibataire. Bien ouais, chouette, février, chouette. Bienvenue quoi, dans notre club. Depuis le 23 février, ouais, c'est chouette, super. Je représente les célibats. Ouais, c'est bon ça. C'est allez, bon, vas-y. Encore des célibataires ici? Levez la main, qu'on vous voit. Levez le doigt. Dernière. Bon, alors premier doigt là, à droite. À gauche. Ouais. Donc au 40 rue Alfred Duméril, vous pouvez venir voir un club de célibataires ce soir. Marianne, 30 ans. Célibataire aussi. Hein. Célibataire et je n'ai pas fait de bruit depuis tout à l'heure. Ah mince, pourtant je t'ai monté ton micro tout à l'heure, j'ai pas compris. Peut-être parce que... Ah, je l'avais éteint, excuse-moi. Je viens de m'en apercevoir, c'est pour ça donc tu n'as pas fait de bruit quoi. C'est le cercle du bruit et je n'ai pas fait de bruit depuis tout à l'heure. Ah mince, mais c'est pas un bruit ça, c'est de la parole, tu comprends? C'est un cercle mots, de parole quoi. Donc je comprends. Et donc. Ah pardon. Je comprenais pas justement, c'est pour ça que je te demandais en fait. Très ce que bien. Je veux dire, c'est par là, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Par là, l'idée que t'as derrière la tête en fait. Je sais pas, il faut penser à quoi déjà? Quoi que pardon. Ce qui veut dire. Donc ça veut dire quoi exactement? Soit. Que tu définisses un peu plus. Définir. C'est comme une montre au poignet, sauf qu'il n'y a pas de CH à la fin. Quoi. Certes. Et c'est comme une équipe spéciale de GIGN, sauf que c'est en américain. Et c'est ainsi, quoi. Inciter. Citer. Pour ne pas inciter les gens à être ainsi, je vais donc passer à l'allitation ou l'allitération en il. Il est donc 21h49 minutes. Toutes les vidéos, c'est pas sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net sur le web. Voilà. Et on est à Toulouse aussi, à Toulouse, France. We are in Toulouse, France. Voilà, pour ceux qui comprennent pas le français. California. Ouais. California is a fist fucking. Donc, nous avons une américaine parmi nous. Nous connaissons deux mots en anglais ce soir. California et fist fucking. Comment allons-nous déblatérer? Non, il y a un tiré entre les deux, c'est le même mot, tu sais, c'est un mot composé. Oui, mais tu peux dire fist. Tu peux dire fist. Et tu peux dire seul, juste hein. Fucking. Ah, c'est vrai, ouais. Oh, ouais. Et si on dit fuck et ing, il y a moyen de dire ing, juste ing tout seul ing. Genre, ah, on est obligé de faire fucking quoi, tu vois. Yeah. On ne peut pas dire fuck et non. Ing. Are you ing today? Are you ing? Hello, hello, I'm ing. And you, are you ing? I'm inging. Est-ce que ceux qui ne sont pas célibataires peuvent espérer être présentés ou oui, pas? Oui, parce que je me sens je sais pas. Exclue de la société. Bah, regarde, viens, mon ami non célibataire qui se cache Randall, derrière le micro. Célibataire. Il se cache derrière le micro, c'est pour ça, il veut pas. Non, parle. J'ai l'impression de pas exister. Allez, non. L'heure. Tu es un nous. Tu es un nous. 10h-10. Je me noie dans le collectif. Donc une voix dans les Julien. Studios. Il y a une voix ou deux. Parce que là, on est perdu, tu vois. Il est à peu près 21h50 maintenant. 15 secondes. Ouais, c'est ça, on va vérifier pour être sûr. Est-ce que t'es avec moi? Il est 10h moins. Bientôt 25 secondes. On n'a pas les mêmes secondes dans le studio. Et on a pas même... Ah, vous êtes en retard sur nous en fait. Ah. Nous, on avance sur vous. Canal désolé. Sud 92.2. Merci Julien. Ou Canal Sud.net. Le numéro est donc le 05 61 53 36 95. Et tous les célibataires de Toulouse. Allez, et voilà, donc le club des célibataires, vous pouvez appeler au 05 61 je 53 36 75. Je suis pas d'accord en fait. Parce que je pense que les pardon. Gens amoureux ont aussi le droit d'être d'exister et d'être présentés en fait. D'accord. On peut être amoureux et être libre, je vous l'assure. Mais c'était pas une représentation, c'est pas une prison. C'était pas démocratique en fait. Ah, on ne parle pas de club libertin. Peut-on être amoureux et libre? Oui, bien sûr. Bien pourquoi sûr. Pourquoi non, c'était purement autocratique. Parce que la quintessence de l'amour, c'est la liberté, sinon ça s'appelle de l'enfer. Et l'amour, c'est pas le couple quoi. Pardon, excuse-moi, je. Ah non, c'est pas le couple. Ça peut l'être dans quelques cas. Ça peut, mais pas toujours. Mais c'est pas la règle, quoi, je veux dire, principale, non. Quoi, de l'amour. Mais quoi, en amour, il n'y a pas de règle. Non, moi, on peut faire ce qu'on veut. L'amour, en beauté, quoi, ou pas. À 1, 2, 3, 4, après ça, c'est un choix, hein, je veux dire. Ah, non, si, en même temps, en famille. En même temps, il y a quelqu'un qui m'appelle, alors je vais couper le micro. Qui est au téléphone? Allô. Nous avons un interlocuteur au téléphone. Bonsoir. Ici le téléphone sur Canal Sud 92.2. Papy Mouchon. Et non pas 0.8. Entre le 2 et le 8. Je ne sais pas. Allô. Allô. Allô. Allô. C'est Sonia. Sonia. La petite Sonia. Bonsoir la petite Sonia. Comment vas-tu petite Sonia? Très bien. C'est qui Sonia? C'est moi Sonia. Bonsoir Sonia. Est-ce que tu portes une culotte Sonia? Oh merde, Sonia nous a quitté quoi. J'ai dû raccrocher le téléphone trop vite, excusez-moi. C'est qui a Je suis donc le seul à savoir ce qui vient de se passer dans ce studio. Oui, tu peux nous Personne n'a rien compris. Ouais. On voudrait nous comprendre. Nous non, je sais pas, je sais pas. Si Sonia avait une petite culotte. Ou une poitrine, on ne sait pas. Aucun des deux. Être sans culotte et sans poitrine. Oui, ça existe. Sans culotte et sans poitrine. Sans culotte et sans poitrine. Ouais, j'avoue. Donc spéciale dédicace à Sonia, je sais pas, la ligne est perturbée, c'est mais sûrement moi qui ai pété dans le vase. Qui c'était Sonia, s'il vous plaît? Liquéfaction. Une liquéfaction. Une incohérence sensitive. Je parlais donc de fluidité tout à l'heure, on peut aussi dire liquide. T'as du liquide? D'où l'expression nisme, avoir du liquidisme. Plein les fouillismes. À bout de ton fric. Ou se liquider. Ou liquéfier. Ou liquider. Nous passons donc à la seconde partie de l'émission, celle où nous écoutons la deuxième session de l'émission, donc à une vitesse inférieure à la normale, donc de 83%. Voilà, je passe actuellement à la phase finale. La passion. La passion oblitérante. Mon Dieu, encore des références culturelles ostentatoires. Je vais m'obliger à couper les micros dans 2 secondes. Ah, c'est bon, ça il reste, va. Il reste 2 secondes avant de couper les micros. Vous avez 2 secondes pour ne pas vous exprimer ce soir. S'il vous plaît, ne vous exprimez pas. Si c'est pour s'exprimer ainsi, oui. Cela est assez gai ce soir, jovial, joyeuseté. Le bonheur est dans le pré. Près de chez toi, je veux dire. Tout. C'est tout reste. Tout. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Franchement, c'est cool. Qu'est-ce que tu dis? Elle a dit c'est son destin. C'est ton destin. On peut pas vous laisser tomber. Oh, tu montes ou tu descends? Yes, mais c'est qui le téléphone? Sonia, bonjour. Sonia? C'est moi, j'ai répondu. Il n'y avait donc personne au bout du fil. Je crois que la farce est comprise. Excuse-moi, je ne puis m'en empêcher. C'est donc toujours la débilitante qui m'en passionne. J'avoue. Passons à donc la même chose toujours, sans jamais s'arrêter. On ne veut pas oublier la présence. C'est méchant, c'est pas beau, tu es un vil mécréant. Lisons à nous-mêmes ce soir, buvons de la bière. Ou fumons du tabac. Ou pas, le tabac c'est mal. Ça dépend. La bière c'est mal. Ça dépend parce que ça dépend. C'est mal les enfants, vous voyez. C'est quoi la drogue, maman? C'est toi? C'est moi la drogue. maman. T'as dit t'as pas de culotte, maman. Ça craint. Ça arrive. Dis-le moi encore. Encore. Moi encore, dis-le, moi encore. Moi encore. C'est grave quoi, on peut rien dire ici. Toi encore ? Encore. Moi aussi encore. Pénibilité de l'acte. Quel acte ? L'acte suprême de se sacrifier pour soi dans l'immaculée jouissance de l'infinitude morbide, nudité. C'est un peu comme la solitude que jette, qu'on a du mal à étreiner et qu'on étreine en silence dans le chaos de ses sombres pensées. Mon Dieu, j'ai passé. Un ange est passé ce soir, l'ange de mes sombres désirs. Je désire donc des bulles. Je désire donc, je suis... Beaucoup de bulles. Des bulles. Oh putain. Oh putain Sonia. Spéciale dédicace à Sonia, alias le foufou de Toulouse. Moi. Merci Sonia. Merci Sonia. Sonia on t'aime. Sonia on t'aime. Mikado. Mikado. Mikado. Sonia t'es bonne. Mikado. My present. My present. My present. My present. My present is very nice. Yeah. Present time. Present time being present the rupture time. With the taste coincidence. I've seen the incidents on the verge of flying on the wind. The bats are everywhere. Vampirism and vampiristic thoughts are passing through me. I wish I had a cigarette in my mouth. But I'm more dead. You want a papel? Si, papel. So I'd rather papel. Be dead again. And on the way, at the flying on the, you know, the Gulfstream, I was singing against the wind. So like say piss. Piss, for example. Piss and shit, you know? So like piss and shit is like fucking all the time. Piss and shit, you know what I mean? And like it stinks and I hate it all and I'd rather smell myself than smell you, stupidity. So being myself and like on the verge of flying, I still rather be dead. Some things never change. But some things do change. Will be forever. Forever. And never, ever, ever the same. The same circle leads to nowhere. From the beginning to the end. It's getting kind of horrid in here. I think the hate is everywhere. La haine, donc la haine, parlons-en de la haine. Aimons-nous. Les uns les autres. Quoi. Et les crétins, n'oublions pas le crétinisme, donc la maladie passée, celle de la débilité, ou ses naissances, comme sénilité absurde, absurdité, toujours, tangentielle. Pardon, je coupe la parole aux gens qui ne parlent pas. J'aime cela. En rire et en sourire, la cruauté est toujours impériale. Mais le silence, c'est s'exprimer. En parlant de sexe, justement, je voudrais... Mais écoute, quel est ce vacarme ? Le vacarme de mes pieds, en pantoufles. Locrate palindrome. Locrate palindrome. Palindrome, palindrome. La présence donc ostentatoire d'une cruauté des vulgaire. Des bas et des hauts. Arrogante. Des bas et des hauts. Falocrate palindrome. Et dégoûtante, n'offusque personne. Des bas. Et des hauts. Battre, se battre avec soi-même. Je refuse. Avec toi-même, avec d'autres. Come on, guy. Battez-vous vous-même. Les pieds. Avec des plumes. Doré. Sors de ton aquarium si t'es un homme. Je ne sortirai jamais de ma bulle. Tu es une femme ou un être humain. Voire même un radiateur, une prise, un mur. Je suis Catherine Larrey, je vais en quatrième position. La bulle est présente. Manger un cornichon. Présentiel. Petit ou gros cornichon, s'il vous plaît. Camoulox. Camoulox. 6. 6. Jaune d'œuf. Non. Je trépasse et je mange une huître. Non. Trépignons d'impatience donc. Monter des blancs en neige. Pull au vert. Je gobe un flanc et je tue le chat de ma grand-mère. Si pull au vert respire à la campagne. Non. Arithmétique en 3. Mais où est la souffrance là-dedans? 1, 2, 3. Où est la souffrance? Nous irons au 3. Souffrance. 5, 6. L'horreur. La souffrance. Lointain. La haine. Tu es la souffrance. Le dégoût. C'est toi la souffrance. La vacuité. Tu es la souffrance. Camoulox. L'ambulance. Mireille Mathieu. La passion. Oui. L'obsédance. Camoulox. C'est la souffrance. Mireille Mathieu en mini-shirt, c'est la souffrance. Le miroir. Des façons. C'est bon ça. Anse. Une poignée. Des vivres. Toujours reculer. Avancer pour mieux vivre. Je refuse. Je refuse l'abstinence. Narcisse et Morpheus se sont embrassés. D'abstinence. Pas le bal. Ça passe. Ou ça passe. Ou pas. La vacuité ira mourir seule ce soir. Vacuité seule. Attendez. Mourir ce soir. Mourir. Vacuité seule. Mourir tous les soirs. Non, un soir ça suffit. Gizmo, caca. Gizmo. Gizmo is like a thingamajig with a gimmick in the middle. I don't want to say it, but I won't say it tonight. The passion is always obliterated by the confusion. Confusion being hate. Anger, violence. I want to hear of acrid thoughts like bitterness, amertume. Amertume, la haine, la mort, la putréfaction, la purulence, les pustules. Et l'horreur, toujours sacrée horreur dans cette émission, donc Nuisance qui vous explique comment être la vie et la mort sont la même chose, à la fin, ça ne se brise pas, toujours le ça même continue caca. Toujours la même chose, encore et encore, toujours la même chose qui ne finit pas, donc c'est toi que je n'aime pucelles. Pas, car tu es de celles qu'elles étaient, qui croissent vers le bas. Et le sel qui veulent toujours azurer dans le bleuté. Je refuse les actions pour mieux émanciper la réaction. Tu es assise dessus. Sur quoi? Juste en dessous de toi là. J'ai sardé. Criez au peuple démesuré. Comme à la devanture d'un Élysée, on regarderait couler le long d'une synapse étriquée. Je vois clair en moi. Mesurable fente. Une fente obscurcie, une fente éteinte, une fente niaise et niaise. Êtes-vous fous? Ils sont là derrière avec des armes. Êtes-vous vous? À mort! Lapidez-le. Déchirez-le. L'anus. À mort! Douleur, il m'appelait douleur et le répétait deux fois de suite. Douleur, douleur, comme on dit catastrophe, catastrophe. L'horreur et le sang sur le visage et le vert sombre des yeux. Oh. Ce n'est qu'un vernis. Toi, tu sais que tu es tout. Elle est morte il y a très longtemps. Du dissolvant. Tu es blanc à l'intérieur. Alors le chagrin est mort et la douleur est vive. Blanc comme un corps de nourrisson. Tape sur le clavier de son ordinateur. Tu sais qu'un coup de sabre te fondra net et que tu ne pourras même pas saigner. Pardon ? Du bois blanc. Dis-le moi fort, fort dans les oreilles. Je veux du bois dans les oreilles. Du bois blanc. J'ai arrêté de murmurer le jour où j'ai perdu ma langue. Je n'ai pas peur du tout. Qui es-tu ? J'ai arrêté de fermer les yeux le jour où j'ai trop vu le soleil. Sois le bienvenu. J'ai arrêté d'écouter le jour où je n'ai plus rien entendu. tout ce qui est étranger à cette ville m'est cher. Quel est ton nom? Ne faites pas de mauvais rêves. Ils ne me le disent pas ici. Ils ne veulent pas que je le sache. D'ailleurs, à quoi cela me sert-il? Ne vous trompez pas de porte. Jamais se tromper de porte. Elles n'ont pas l'air de mains de princesse. Ses mains sont fripées, vieilles et usées. Ses mains dommage, tombent. Débile. Comment veux-tu qu'il soit pas de chocolat. Le fils d'Agamemnon? Moi, j'ai des bras. Ils ne sont pas, ils ne sont rien, ni personne. Que tu as l'air jeune. Est-ce que tu t'es jamais battu? Cette épée que tu portes aux côtés t'a-t-elle jamais servi? Leur parler de poésie leur a paru comme une tentative de sabotage, de sabordage, de carnage. Ne déçois pas cette sage nourrice qui se penche sur toi, du haut de l'Olympe. Oh Antigone, Antigone! Oh Antigone, va sauver ton frère, allez! Est-ce qu'elle va crier? Au cri, au cri! C'est une fin de non-recevoir. C'était notre mère et il l'a frappée. Pour faire valoir ce que de droit. Mes ennemis sont morts. Cordialement. Pendant des années. Mais sûrement. J'ai joui de cette mort. Jamais. Par avance. Plus d'une fois. Et à présent. Et à la fois. Et à présent. Je suis lasse. Dans un étau. Lasse et sale. Est-ce que je me suis menti pendant 15 ans? Sale et seule. Ça n'est pas vrai. Seule et absente. Ça n'est pas vrai. Mais si seulement. Je ne suis pas lâche. Je n'ai pas froid. Je l'ai voulu. J'y crois encore. Je l'avais encore. Je voudrais être ailleurs. J'ai voulu voir ce porc immonde couché à mes pieds. J'ai voulu marcher dans la boue, pieds nus. Que m'importe ton regard de poisson mort. M'enduire de terre, m'étouffer avec. Quel cri. Ne pas toucher aux azurs. Quel cri. J'ai dit ne pas toucher aux azurs. Je veux ces cris d'horreur et je veux ces souffrances. Puis voir l'eau de loin et marcher dessus. Aussi loin que les poissons ne sont plus. Je pleure de joie. Jeter l'ancre. Mes ennemis sont morts. Mon père est vengé. Apprendre. Ne plus saigner. J'en seul partre les mouches. Le temps. Jean-Paul Sartre est mort, donc gloire à Jean-Paul Sartre. Nous sommes vivants et gloire à Jean-Paul Sartre, il est mort. Putain. Ne refais plus Jean jamais ça. Jean-Paul Sartre mange des mouches. Pas sans me le dire, quoi. Ce sera votre première emmerde. Ah, de la merde. Parfait. On parlait donc de merde. Ce matin, en me levant, j'ai fait caca. Le caca fécal, anal, qui coule. Parlons de hal aussi, le caca. C'est-à-dire, c'est précisément là l'emmerde, là où ça commence. Là où ça... La vie avec des de là où ça commence, par là où ça finit. Ah, enlève tes poches tout de suite de mes mains, sinon tu vas avoir mal. Il y a un mur dédié. C'est ça? Ouais. Où ça? Un sticker. J'ai posé mes pieds dans de bien sales serments. J'ai tremblé partout. Tous mes membres crispés. Retenu, attaché, lié. Est-il nécessaire d'être joyeux? La collectivité. Le suicide collectif, donc débat. Ouais, on se suicide après ou quoi, les gars là? Oui, suicidons-nous, moi je suis pour. Collectivement ou pas, j'en ai rien à foutre. Non, perso. Bon, ok. C'est un perso, chacun. Vas-y. Rien à foutre. Collectif, ça m'intéresse pas, le débat. Le débat entre le suicide collectif ou non collectif ne m'intéresse pas. Le suicide est donc opérant et opératif, opérationnel. Une opération donc opérative, opérationnelle, opérante. 3, 2, 1. Ça s'opère pas. Opération. Séduction. Go. C'est une maladie dont l'on ne revient pas. Yeah, séduction. On ne peut nous maintenir en vie, car le suicide est définitif. Seduction kills me. D'où sa séduction. D'où son séductif. Killing of little fish. Un définitif, enfin. Sédatif. Enfin fini. Cette vie pourrie. Un sédatif. Un sédatif. Un sédatif. La mort. La vie. La mort. La vie. La mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Addict to life. Je vous ai battu, j'ai gagné. I choose life. Le meilleur. I choose life. Non, non, au début on a fait un choix. On a choisi de vivre. Non, c'est pas vrai. Si. At the beginning. C'est un débat. Si, si. À un moment donné, entrant dans cette pièce, vous avez vécu. Non, non. On a choisi de survivre. Non, à un moment donné, quand t'es sorti d'une matrice, tu as fait le choix de vivre. Refusons le débat. Je n'ai pas fait le choix de respirer, je suis un humain, je ne suis pas un dauphin. Tu as fait le choix. Je n'ai pas respiré volontairement. On me l'a forcé. On m'a frappé pour que je respire. On m'a fait mal. On m'a fait mal. J'ai souffert à ma naissance. Non, tu n'as pas souffert. Ma mère n'a pas souffert autant que moi. Cette souffrance, c'est la vie. C'est ça qui vient avec la souffrance, c'est que c'est la souffrance. Enjoy. Addict to life. Ou sadomaso. Oh oui. To dick. Fais-moi mal. Dick Hanegarn, donc demain, à la Fnac, à 15h, gratuit. Utilisez le bordel à la Fnac. Cassez-leur la gueule. Un peu comme une partouze. Sauf que c'est plus violent, quoi, une partouze, que leur casser la gueule à ces bâtards de Fnaqueux. Sur l'âme, quoi. À part principe, quoi, je veux dire. Bon, d'accord, d'accord, j'avoue. Vous nous avez habitués au sang. Mais le chien qui n'a plus que la chair sur les os n'en a pas moins la rage en plus. Compter les morts ne nous suffit pas pour pleurer les morts. Vous nous croyez en guerre alors que nous sommes en manque. Vous nous surveillez mais vous ne voyez rien. Vous nous écoutez mais vous n'entendez rien. 100% naturel, 100% végétal, certifié biologique, garanti sans OGM. Sans OGM. Dun, dun, dun. I wish me a Merry Christmas. I wish me a Merry Christmas. I wish me a Merry Christmas. Me a Merry Christmas. Me. Les Schtroumpfs, donc représentation de l'ultime extrême, celui de l'avenir bleuté après une crise d'overdose de barbiturique, comme Marilyn Monroe avec son champagne dans le cul. Actuellement à l'antenne, le fameux Schtroumpf dans le cul du Schtroumpf après 22h15 sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, donc dans son cul. Nuisance au pluriel avec le S entre parenthèses. Quel monde merveilleux. Le monde merveilleux qui nuit à nous-mêmes et à personne d'autre. C'est autogéré. Collectivement. L'auto, donc l'auto comme une automobile, mais ça tombe sur soi-même. Donc ce n'est pas une automobile, c'est un automatisme. L'automatisme de faire mal. Celui de se faire mal à soi, bien sûr. Et si on se pinçait très fort? Et si l'on brûlait en enfer? L'enfer, c'est les autres. C'est moi l'enfer. C'est moi l'autre. Je suis l'autre, je suis l'enfer pour l'autre. L'autre, c'est l'enfer pour moi, et moi je suis l'enfer pour l'autre. Je suis donc l'enfer pour l'autre, et moi l'enfer pour moi-même. Je suis l'autre. Je suis moi-même l'enfer. Je suis l'enfer pour moi-même et l'enfer pour l'autre. Je suis à la fois l'enfer pour l'autre et l'enfer pour moi-même, et le micro n'est pas un frappe machin. Le micro n'est pas un frappe machin, car frapper un micro, c'est mal. C'est mal, car Flatte-toi. Le sang saigne, rouge, rouge. Lacerre-toi. Rouge, le sang. Attache-toi. Le sang, rouge. Et des marques rouge. Partout. Rouge. Puis bleuté. Puis vert. Puis rien. C'est tout vert. C'est moisi. Non, c'est tout fermé vert. Fermez donc la porte. C'est l'espoir. C'est fermé. Non, c'est tout vert. C'est fermé. Ce n'est pas fermé. Fermé ou quoi? Merde. Non, c'est tout vert. C'est fermé. une séquence dans l'air, je ne sais pas quand elle va s'arrêter. Sûrement pas aujourd'hui, ni demain. Une séquence. 10h15. Parler à ma bite. Merci. Parle sec. Je suis la voix qui parle à ta bite. Bonjour la bite. Quelle bite de merde qui parle. Bonjour. Comment allez-vous, mademoiselle? Je ne ris pas du sexe. Je suis la bite qui parle. Je le vomis. Je suis la bite bavarde. Vomir la bite. Je suis la bite qui s'exprime. Je suis la bite qui rêve. Bavardage incessant de la bite qui pue. Le poisson pourri. Gland dans le ciel. Qui colle et qui fait du fromage blanc. Caresse l'arc-en-ciel. Le fromage blanc de la bite qui pue. Mes couilles dans la terre. Les poils de couilles qui s'arrachent. Le sang qui coule de la bite. Tu veux la voir? Tu veux la voir? Hein, c'est ça, tu veux la voir? Tu veux la voir? Non, c'est tu veux la sentir. Est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu me sens là? Elle saigne. Elle parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu dis? Je saigne. Je veux être libre. Je saigne. Je veux être libre. Je saigne de la bite. Je veux être libre. Je veux être libre. Libre de la bite. Je veux enfin être libre de la bite. Avec mes couilles. La liberté, ma bite. Mais je ne suis qu'une bite. Sans fin. Oh mon dieu. Elle est longue. La bite sans fin. La bite sans fin. Putain, ça m'habite la fin. Il n'y a pas d'heure pour la bite. T'as jamais faim une bite. La bite. J'habite la fin. La bite bridou. Quelle idée. Ça part en couille là. C'est marxiste. Merde. C'est martien. C'est martien. La bite rouge. La bite anticapitaliste. La bite rouge dressée vers le ciel. Combat tous les jours. Prends ton marteau et ta faucille. Contre l'oppression. Contre la soumission. Vagin. Vagin, on l'a dit. Vaginocratie, allez-y. Vagin. Je coupe mon micro. Les vagins sont nos amis, il faut les aimer aussi. Mais qu'est-ce qui est juste? Donc les femmes rotent aussi, oui, les adolescents, vous êtes au courant, les femmes rotent aussi. Enfin, et puis même qu'elles pètent des fois. Ça arrive aussi. Elles font caca et ça sent mauvais. Il paraît, mais pas tout le monde est au courant. Ne le dites pas à tout le monde, ceci est un secret d'adultes, de grands adultes. Après 22h, tous les mots censurés sont pas censurés sur Canal Sud, à part bien sûr les habituels, le président est un gros con, ça, on ne veut pas de ça. Et aussi, le président de la République est un gros con, on veut pas de ça non plus. Le président est un très bon fromage. Blanc. Ou pas. Ah, un peu de silence, donc vous entendez le bruit de fond, toujours un souffle continu. Souffle. Écoutez votre respiration, ça vous occupera. En attendant, il n'y a plus rien pour vous. Vous êtes bientôt mort, ne l'oubliez pas. Il ne vous reste que quelques instants de répit avant de profiter de ce voyage incandescent. C'est la minute de silence ? Non, celui de la mort. C'est la minute c'est de la mort. C'est comme ça que ça se termine. Le silence de mort, donc c'est comme ça. Vive la mort, vive la mort, vive la mort. J'aime la mort, je suis la mort, je deviendrai un jour mort, je serai la mort, enfin. C'est comme une fin. La mort, c'est beau. T'as plus vite. C'est beau comme une bite. Plus vite. J'ai arrêté de manger le jour où je n'ai plus vécu. Nous sommes entre fantômes. Oui. You can talk. Donc nous avons du temps à occuper. Donc aujourd'hui nous avons Marianne au téléphone. Marianne, dire bonjour. Les prénoms, non. Non mais c'est mon prénom. C'est un pas, pseudonyme. Pas, non mais c'est moi, c'est Al en fait. Je m'appelle pas Marianne. Je suis désolé quoi. Je préfère, tu vois. Et c'est pour ça qu'on se donne des pseudonymes. Ah pardon. Donc Marianne. Denim. Oui. Oui, Denim comme le G. Ah pardon. Marianne Denim. Ah, je trouve que tu as une voix bien grave Jean aujourd'hui. Denim. Ah mais c'est un pseudonyme. Mais ça se boit c'est pas un le pseudonyme. Ça se boit, ça se porte. Le jean? Le jean. Ça se boit. J'ai la gym? Plutôt. La gym? On s'est oui. connu. La gym s'est en jean? Ou jean pas perdu. Est-ce que tu bois du jean en allant à la gym? Et si on croise Jim en allant à la gym en buvant du gin? Esthète? Jim Morrison is dead. Esthète? Gloria Jim. Esthète? Dead now. Complicated. Esthète? Redmore. In state? Dead. Is dead in dead. States. Dead. Dans sa baignoire? Ah, je sais pas ça. Ouais, ça... Ou dans le placard? Ou dans le placard. Dans le placard. Les morts sont dans le placard. Sortez les morts du placard. Ouvrez tous vos placards. Laissez-les sortir un petit peu qu'ils puissent prendre l'air. Ce n'est pas juste d'être enfermé aussi longtemps. J'avais juste envie de voir les étoiles et la lune. Je n'ai plus vu le soleil couchant depuis tellement longtemps. J'aurais bien aimé pouvoir sentir les embruns marins sur ma peau, mais je n'ai plus de peau, je n'ai que de la chair en lambeaux. Je vais aller me recoucher, je suis tellement fatiguée. Dans mon placard, il fait tout noir. Je voudrais juste y mettre quelques trous pour voir des rayons de lumière percer la porte et parvenir jusqu'à mes bouts de doigts pendant le long de mes mains, le long de mes bras, de mes clavicules poreuses et poudreuses, rattachées à mon dos complètement morcelé. Ah, moi je m'endors pas. Eh bien, réveillons-nous. Ouvrez les yeux. Et levons-nous. Si. Et marchons tout droit, fièrement. Ailleurs. Dans un autre monde. Là-bas? Dans un autre monde. Mais où? Dans un autre monde. Où? Dans un autre monde. Ce n'est pas une réponse à notre dans monde, il y en a tellement. D'ailleurs. Tellement de chemin pour si peu de jambes. Toujours les moutons dans les Landes. Oui. On tricotera des pulls et on aura chaud. Bah. On montera à dos de mouton. On jouera à saute mouton et puis on dessinera des moutons. Et entre des fois, il y a des passions. Incessation. N'écoutez pas la voix, écoutez le son de la voix. Le son de la voix qui pue. La puanteur, la putride, la putude, and satisfaction. La sonorité, la joie. La joie d'une sonorité, une sonorité joyeuse. Une joie sonore. Une jaunore. Une jaunore de soie. J'honore la soie ça colle, surtout quand il fait chaud, et quand il fait chaud, on a la joie sur la peau. I do not want satisfaction, I do not need satisfaction, keep your satisfaction for yourself, I c'est hate un you. Peu comme un huis clos avec des mouches, I hate me all, I hate you and I hate me all the time, un peu comme un ciel isolé, all the time, all the time, all the time. All the time. I've said it. I'll say it again. I mean, you will die one day, you know. Do you know what I'm saying? T'endors pas. Do you know what I'm saying? Ouvre ta bouche. Réveille-toi. Ombre. Ombre. Je n'ai pas d'ombre. Ombre. Je n'ai pas d'ombre. Tu es l'ombre. Non. Tu es l'ombre. Tu es l'ombre toi-même. Tu es l'ombre de la lumière. L'ombre. La ombras de la maladie. Sombras de la maladie. Et manitas de la maladica. Cacharsic. Tirs. Cachexi. Mourir au comble de la cachexi. Expression française linguistiquement favorable à la morbidité. Mourir au comble de la de là, las, cachexi, cachexi, dans un cachot vivait un minotaure. Il a tricoté un pull pour Ariane, mais Thésée est venu et l'a porté. Le pull s'est détricoté. Toi, là. La laine a brûlé. Tu m'entends? Ariane s'est retrouvée. Je vais te tuer, toi, là-bas. Moi. Je vais te tuer. Tant. Qui me mange. Mourir à moi, sacrifice de moi. Dévotion pleine, intégralité, entièreté de l'impuissance, impuissance, impuissance, erreur humaine, erreur humaine, erreur humaine, erreur humaine. Excusez-moi. Ça n'était absolument pas prévu. La potence. La providence. Omnipotente. La polyvalence. Impassibilité. Paisibilité. De la merde. En boîte, qu'on se jetterait à la figure, en petits bouts de bouillie ou de bouillon, en mode brouillon. I wish me a happy Christmas on the new year of the Verge. I'd rather have a dick than Lou Reed up my ass. He was a she, but he said, hey babe, hey babe. Take him out to the right side. Babe. Right side. I'll fuck your baby to the death, stupid motherfucker. This is not my generation. I'm the hate generation. I hate my generation. Rock and roll is not here to stay anymore. Generation. Rock and roll has died a long time ago. And death is but a mirsome way to get to the planet. The planet. The planet is appearing. I can see the light through its atmosphere. Incantation. Incantation. C'est qui fait ça? Quant à toi. Incantation. Un délire donc très mince. C'est fini, le délire est maintenant apaisé. Et maintenant, est-ce que nous pouvons peut-être entamer une discussion simple, un débat, une discussion? Des mots, des phrases un peu cohérentes, un rapport humain, voilà, entre A, B, C, D, E, F. Un échange. Un échange. Un partage, voilà. Pas que des oups, ips, aps, oups, ah. On peut parler de caca. C'est le coup de gueule de la fin. Non, par exemple, c'est voilà, parti. Genre de sujet. Attention, attention, messieurs, dames. On peut parler de sujet licencieux. Existentieux, oui. Licencieux. Ça dépend lesquels. Licence. Donc des phrases, des verbes, ça dépend des sujets. Voilà, je veux communiquons, dire. N'est-ce pas, communiquons. Enfin, on peut parler de licenciosité. Enfin. Et trouvez-vous que la Terre aille bien? Oui, moi je trouve que quand même... C'est bon, quoi la Terre? Il fait bon vivre, la vie, les gens... Pourquoi la Terre? C'est pas ma Terre, m'en tape de la Terre. Tu t'en tapes de la Terre, c'est pas à moi. N'est pas si grosse bêtise. C'est pas à moi. La Terre, on s'en fiche, on est dessus en tout cas. On m'en tape de moi. Oh bah ça c'est pas bien, il faut pas dire des choses pareilles. A fortiori, j'en ai rien à foutre de ce qui nous arrive, tous. Soyez pas si négatifs. Mais c'est de l'optimisme, au contraire, je me suis comportementalisé en faveur de la défaveur à la réalisation. Je vous laisse les antennes pour l'instant. Il existe des anti-vomitifs pour de tels cas, mais je pense que nous n'en viendrons pas jusque-là. Hein? Donc ça reprenons dépend, hein, ça dépend, oui, le un débat, petit donc. Peu l'ampleur en reprenons fait, de le débat, la nausée. Et oui. Du nombre d'antivomitifs qu'on peut avaler. Voilà, bon, à de telles doses, on. Again, again, again. On pourrait peut-être, oui, en parler d'antivomitifs, ça je le tolère. Bon, un voilà, ah bah, un terrain d'entente, déjà c'est pas mal. On peut parler de vomi, je veux dire. Antivomitifs, vomi, voilà. Tout ce qui tourne autour de. Bon, voilà. Du rot. Bon, alors moi, anecdote, hein, voilà, petite anecdote à vous raconter. On peut fabriquer du vomi, hein, voilà. On peut. Donc vous prenez les ingrédients du pain perdu et vous y rajoutez un peu de café d'alcool de poire. Vous faites flamber et avec donc accessoirement une musique de fond, Rammstein par exemple, et puis vous tapez dans la poêle, dans le mélange, ça va gicler un petit peu, ça va touiller, voilà. Et vous avez un véritable vomi. L'odeur y est, la texture, à la vie. Ah oui, j'aime surtout la musique Rammstein en fond. Voilà, oui. Voilà. C'est du Rammstein que je vais passer en fond, ça nous occupera les oreilles. Voilà, 2 minutes. Ouais. Alors là, on imagine, on met le tablier, hein, c'est parti pour la cuisine. Si vous ne possédez pas tous ces éléments de cuisine, Maïté au platine. N'oubliez pas que vous avez non, ouais, j'arrête les platines, j'abandonne tout. Au fond de la gorge, ça fonctionne extrêmement bien. Non, c'est pas au fond de la gorge qu'il faut mettre les platines, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on branche une platine. Platine au fond de la gorge. Je suis peut-être un peu difficile, j'avoue. On peut y mettre ses doigts de pied aussi. Bon, si vous n'êtes pas content du résultat, vous pouvez toujours mettre de l'alcool de mûre, ça adoucit un petit peu le goût, mais bon, l'odeur reste quand même bien présente. Est-ce qu'on a le droit de s'imbiber de cet alcool de mûre avant? Oui, alors bon, d'accord. Par contre, je pense aux frites. Oui, c'est bien, d'accord. Camoulox. Oh, attention, ne pas frapper la table quand j'ai mis trop de basse sur le micro. Bien. Donc on peut mettre de l'huile. En fait. C'est vraiment une mauvaise idée, en fait, s'il te plaît. Mais donc autant vous dire que l'huile, bien sûr, hein, mais il y a un sens hein, pour ça. Donc voilà, toujours aller dans le même sens. D'avant en arrière, voilà, d'accord. Exactement, Josie. Autrement, on n'y arrive pas. Hein. Bloom. Ça doit être constant, je veux dire, parce qu'après, je vole un bœuf et je mets des pois chiches dans mes oreilles. Oui, je pensais ailleurs. Camoulox. Mes pensées étaient ailleurs. Ouais, ça aussi, c'était pas mal. Ouais, ouais, Bon, moi, pour moi, ça, j'accorde. Hein. Tortue. Ça passe. Tortue. Ça passe. Tortue. Accordé. Ça passe ou ça trépasse, ouais. Comme je dirais. Ne pas faiblir, n'est-ce pas? On y est. Mot suivant, diesel ou verso? Je préfère la Bolt, personnellement. Mm-hmm. Quoique la diesel 1 soit favorable à la diesel 2 dans la variété. Oui. On peut parler du criticalisme également, oui, et de la sûr. Criticalité de, par exemple, la dernière variété. Donc, très bien noté. Que j'allais exprimer, la Lemon. La Lemon, donc, étant du citron pané. Ah, le citron pané, mais merci, franchement, si, Josie. Si de la marijuana était là, nous n'en serions pas là. Merci, Josie, de nous apporter cette petite précision. Hein. Mais attention à la dose, n'oubliez pas la dose. Anne Sinclair danse la gigue et je fais des roulades d'arrière sous le pont d'Avignon. Je danse donc le cha-cha en tutu. Je danse le cha-cha en tutu, donc c'est la première version de « Allô les pigeons, venez à nous les pigeons ». Écoutez donc Nuisance tous les vendredis de 21h à 23h sur Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net, la radio que vous écoutez à présent. Dans le monde entier, vous pouvez l'écouter à bord de votre voiture équipée d'un GPS alternatif qui vous dirigera donc le long des ondes libres. Par contre, ne mettez pas le poste radio dans votre baignoire, ceci peut être péniblement 22h32. Quand portez atteinte aux quelques jours qui vous restent. Quant aux pigeons, protégez-les au mieux qu'ils soient. Hein, n'oubliez pas, les pigeons font partie de notre sphère de vie. Donc voilà, on les oublie souvent, les pigeons. N'oublions pas la devise des pigeons, soyons. On les oublie souvent et on a bien voilà, raison. Voilà, soyons, hein, soyons. Et... Soyons à ne pas confondre avec le fromage soignant, pure chèvre. Voilà. Bon. Ne disons pas de marque, ça pourrait être déblatéré. Bien sûr. Quant à la secte des pigeons, volons, bon, bien violons sûr, un on pigeon, vous rappelle que c'est très... Non, volons, hein. Voilons le pigeon. Ils sont très dangereux, ceux-là. Voilons les pigeons. Voilà, il y a la secte... Pardon, excusez-moi, c'était biaisé, ce que j'ai dit était biaisé, je veux m'excuser, c'est sérieux. Volons à terre, hein. Voilà. Donc les pigeons à terre, volons ça va. Volons ta terre. Ouais, ta terre. Ta terre, et on revient à la terre qui va mal quand j'ai mal. Et j'ai mal à la terre. Mais ça dépend des fois. Moi aussi, bon, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la terre et j'ai mal à ma mère. Oui, alors ta mère a sujet... Moi aussi, j'ai mal à ma mère. Maman. Putain, j'ai mal à ma mère, même. J'ai mal ma mère. Ouais. Et les fins de mer? Bon, j'ai des glandes, j'avoue. Ah. Par contre, pour ce qui est d'onomatopée, on n'a toujours pas fait de cris-cris ou de pouk-pouk ou de crac-crac ouais, ou de blouch. C'est parti. Non, je ne voulais pas dire crier. Crut-crut. Ah. Je voulais dire juste cric-cric ou pouk-pouk ou blug-blug-blug. Bon, alors c'est parti. Hein. Josie, vas-y. Blug-blug-blug. Josie, à toi. On s'appelle toutes Josie ce soir, c'est parti. C'est la joie. Josie, tu peux y aller. Crac-crac, prout-prout. Allez, le rythme un peu, les filles, on va le rythme. 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Devant, derrière, devant, derrière, on change. Et oui, l'enfer, c'est bien sûr Canal Sud ce soir, pour vous. C'était un enfer intégral. Vous avez mal. Vous sentez la douleur? Ah, c'est fini, ça fait du bien. Bon, mais nous, voilà, on souhaite que tous les peuples opprimés puissent prendre un peu voilà, de liberté, qu'ils puissent prendre des vacances, puissent souffler un petit peu, voilà. Prendre des congés payés, donc. Des congés payés, voilà, les peuples opprimés. Vive la France, voilà, vive la France, le pays des droits de l'homme et de l'égalité française. Ensemble, tout est possible. La liberté. Quant au président de l'Égypte, hein, est possible. Il a fini par comprendre le message. Non, ne parlons pas de l'Égypte ce soir, parlons de la France, le pays de la belle patrie. La patrie, avec voilà, hein, son armée, sa patrie, sa nation, le territoire français, la langue française qui depuis toujours se fait reconnaître de par sa qualité, sa richesse, et sa syntaxe. Son lot de gros cons aussi, n'oublions pas la France pour ça. Bon, alors la France c'est aussi les cultures minoritaires, hein, les langues oubliées, le catalan... Ouais, le corse. Le breton, n'oublions pas le patois, hein, voilà. Le chibiani, n'oublions pas le harki aussi, la langue donc des harkis. Ouais. Les sales harkis de merde qui ont aidé la France dans leur quête pour la thune et pour la reconnaissance graphique. Voilà. Donc n'oublions pas aussi les opprimés de France, c'est-à-dire les déblatérés et les omnibilés, donc toujours les mêmes pigeons. Ouais. Voilà, les pigeons, donc pigeons qui dit pigeons. Excuse-moi de t'interrompre, je voudrais juste t'interrompre. C'est fait. Voilà. Merci. Qui dit pigeon dit Paris, donc on pense aussi aux peuples opprimés de Paris. Hein, voilà. Merci, vive Paris. Pauvre Parisien. Je pense au 15e, je pense au 16e, je pense au 18e. 4e, le 2e. Le 1er. Ouais, le 1er. Le 5e. Le 5e. Et au 5e siècle, le vase Ming 234B. Et donc en dépôt vente au vide-grenier sur votre gauche, Paris, après le 12e parking sous-sol. Sous-sol, c'est-à-dire souterrain, comme le 16 ans et toujours sous la Seine. On vous remettra un badge à cet effet. Il faudra passer le badge en haut à droite. N'oubliez pas cette information, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc pour embaumer vos corps, prenez une pince à linge, faites-vous un trou et videz-vous de votre sang. Ensuite, après cette pince à linge qui avait fait un trou donc, dans l'épaulette, vous trouverez toujours la réponse au fond de votre trou de balle. N'oubliez pas, Al est là pour vous. Donc vous pouvez toujours essayer d'appeler, vous ne répondrez pas au téléphone, ce sera moi. Oui, car je ne suis pas là. Dernière information, dans une éprouvette, les petits enfants peuvent garder leur sperme et les amener à un laboratoire d'analyse depuis aujourd'hui. Au revoir. Donatien Alphonse de Sade aimerait déposer une liste, une cheat list. Donc j'aimerais deux boulettes d'afghan dans le calbar pour ne pas me faire repérer par les stupes. Les stupes donc étant la salle bac, le baccalauréat de merde, je précise, que le je n'ai pas. De Jean-Sébastien. Ou de Magdalena, la fameuse fille donc de Jean-Sébastien. Magdalena, Italia, Vittoria, c'est parti. Oui, la sœur de Marie-Madeleine, donc la putain, n'oubliez pas, la putain, donc comme le sale traître Judas et la putain Marie-Madeleine. Donc. Et c'est parti pour un tour du monde, Judas. Et la putain, donc Marie-Madeleine, oui. La putain. On traverse ensuite, en ce moment une zone... Perturbation élevée. Je la rage dans un... Oh merde. Qui a craché dans le bénitier? C'est elle. Qui a osé? C'est Josie. C'est Josie. Jésus-Marie-Joseph. Josette. C'est pas joyeux, hein. C'est pas joyeux. Hein. Jésus-Marie-Josie, bonjour. C'est pas joyeux, je vais devoir mettre des basses, beaucoup de basses. Des baffes. Il va falloir surtout que tu viennes goûter des basses. Pour pouvoir l'identifier. Les pigeons, on voit des pigeons basses, à baffes, votre droite, Josie. Est-ce que les pigeons crachent? Josie, les pigeons de votre droite. Des basses, des basses. Demande. Josie baffes, n'existe voilà. Pas pour moi, je ne suis pas Josie. Arrêtez de m'appeler Josette. Josie, ouais, Josie. Je n'aime pas la joie. Hein? Jojo, Jojo. Y a pas de joie. Au revoir les hirondelles. Y a pas de joie. Pas de concurrence. Zimoun. Je vais donc rouler une cigarette. Oui, une cigarette. Je vais donc rouler une cigarette avec une feuille à rouler. Je vais donc prendre une pause de quelques minutes pour vous rejoindre dans la bulle. Le bocal. Catalunya. MC Simon, c'est la MC Brahms. Pour toi, Simon du 92.2. Ouais, il est 11h-20, qui dit 10h40. MC Brahms, c'est pour toi, nous on te kiffe. Ouais, Brahms, comme Magdalena Bach, donc une contemporaine, nous allons écouter un concerto donc en ré mineur de Magdalena. Donc. Présenté par Mademoiselle Thatcher. Mademoiselle Thatcher, bonjour. Hello. Hello. How are you doing, baby? Would you like a cup of tea? Rabbit. A rabbit. A cup of beer? A capote? I haven't got a capote, désolé. A cup of beer. A capote beer. Hein? C'est possible ça ou pas? I've got a bottle of beer at my ass, but I haven't got a bum. Oh shit. comprenez une brosse à chiottes. Je mange une horloge et je m'étrangle avec l'aiguille des semelles. Donc voilà, si vous voulez vous suicider, n'oubliez pas le l'antivomitif, la petite aiguille des secondes et le sédatif. Voilà, l'antivomitif numéro 2 est très conseillé et par moi. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que sous les putains d'hamburgers que vous mangez à McDo, il y a Quick, et bah la petite tache blanche, c'était de l'antivomitif. Oui. Non, c'est de la mayonnaise. Non, non, la petite tache blanche sous le pain, en dessous du Big Mac. Ah, je croyais que c'était un reste de sperme, en fait, du papa qui a créé l'hamburger. C'était comme le nombril, finalement. De Ronald. Et une poudre de satiété. Le sperme de Ronald se trouve derrière chacun d'hamburgers que vous mangez. J'en étais sûre. Mon gamin, il a les cheveux rouges, c'était sûr. Si vous souhaitez faire un achat d'œuvres d'art, veuillez vous diriger vers Josie. C'est Josie qui s'en occupe pour les œuvres d'art. Chips. Est-ce qu'il y a des petites taches blanches sur les chips? Alors, est-ce que vous avez de... Donc, vous avez l'antivomitif E40, l'antivomitif E30 et l'antivomitif E20. Donc, je vous prie de vérifier sur les chips, s'il vous plaît, le numéro indiqué en bas à gauche. Craquez les chiottes. Craquer les chiottes, Tango Charlie. Service sécurité, le numéro en bas à gauche. Tango. On respire. La flatulence de l'esprit, donc branlette intellectuelle, toujours omniprésente dans l'esprit de nuisance, l'émission qui nuit au sens. On n'avait pas essayé, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas venu, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas venu, on ne pourra pas dire que c'était pas venu. Le numéro en bas à gauche. Si j'avais su, je serais pas venu. Ben figure-toi que j'étais pas là. Tu peux demander à qui tu veux. J'étais pas là. Tu pourras pas dire que c'était pas toi. Tu pourras pas le dire. Je n'existe pas. Amen. Moi, je pourrais pas le dire. Je ne puis prouver aux autres que j'existe. Mais c'est tout petit, ça. Je vais bientôt crever. Mais ouch. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est imminent. C'est mignon. C'est mignon. Éminence. C'est nuisance. Yeah. Oh putain, excusez-moi encore, j'ai encore roté dans cette émission, c'est une sale habitude, un sale rite, désolé, je suis ritualiste. May I have some chips too, please? Pétales de pommes de terre soufflées, texture légère et croustillante. Qui flatulera. Flatule, ça ressemble un petit peu à pétale et donc à une fleur. Ou à crapule. Ou à pustule. Une crapule, ça crapahute, un peu comme un dahut. Un peu comme un bahut dans lequel on rangerait des fleurs. Des pétales. De maïs. Pétales grillés. Grillés comme des grillons. Dorés. Qui auraient arrêté de chanter. Je suis un grillon qui chante. Oui, je suis un grillon qui chante. Oui, pourquoi me regardez-vous? Non, ce n'est pas radiophonique de me regarder. Gardez l'attention fixée sur le son. Le son de ma voix. Écoutez le son de la voix. La voix. Je suis la voix. Le son de la voix. Le son de la voix. Alors moi, aujourd'hui, le son de la voix. Il m'a trop embêté parce que quand il était allé faire la vaisselle, focalisation. Il a tourné le regard et là, j'ai bien senti que c'était ça, quoi. Focalisation. Focal, focalé, oui, focalé, cale. Cette semaine, j'ai passé le balai 4 fois. Et je dois dire que dans la vie à collectivité, quoi, le balai, c'est tout le monde qui doit le passer. Quoi. Focalisation. Ouais, mais on va faire comme nous qu'à la vaisselle, mais je ne porte pas quand il y a une tasse ce matin sur la table. Quoi. Je veux dire, pas le soir, on a une couchée, tu peux enlever ton verre. Quoi. Faut enlever les verres. Non, faut enlever les verres. Ah, mais le problème, tu vois, c'est que j'ai essayé de boire avec mes mains, mais l'eau, ça passe au travers. Qui peut rouler ma cigarette? Oh. Ah, moi je veux bien rouler ta cigarette là. Ouais, bah venez quoi. Bah écoute, je vais chercher qui, je m'en tape. Ce qu'il faut pour rouler. Mais non. Non, mais je veux bien rouler ma cigarette, mais venez pas quoi. But. Don't come. Faut bien qu'il ait un jour quoi. Don't come on me. Hein. I'm not worth it. Et. Je suis pas une sale gueuse. Et. Cherchons la queue du cochon. Enfer. Avec un tire-bouchon. Pourquoi ? Ouais, mais c'est bon. On y va ? Non, c'est bon, je vais faire confiance. Bon, alors là, à tous les Toulousains et Toulousaines. Surtout les Toulousains si et Toulousaines. Si vous voulez adopter une attitude un petit peu plus mûre, hein, mature, trimballez-vous correctement dans les rues le soir. Voilà, on souriait aux gens, aux passants, soyez avenants. Bon, limitez-vous, raisonnez-vous, soyez correct, hein. Mais ne mâchez voilà. pas de chewing-gum. Toulousain, s'il vous plaît, un petit effort. Mâchez des chips. Un peu moins de bêtises ambiantes, là, s'il vous plaît, hein. On relève le niveau, voilà. L'ambiance ouais. étant donc saturée de graves et d'aigus, nous pouvons entendre un larcène proéminent. Quand l'un de ses membres se donne la mort pour des raisons obscures, et un ce moyen ciel long. De toutes les voix et de toutes les nations s'obscurcit davantage. Se pourrait-il donc, que la beauté du monde, enfin, problème d'ouverture de par sa destruction, fermeture. De l'annonciation, serve de motif à une tapisserie de l'horreur. L'horreur étant donc maculée de conception. Je voudrais dire donc qu'il y a une soirée à la Dynamo ce soir, Transgwin. Oh cool, vas-y. Ouais, donc, à quelle heure? Je crois que c'est en ce moment en train de se passer, on peut toujours arriver. Hein, de Net. Toute façon, c'est bientôt fini l'émission, dans un quart d'heure. Si vous voulez faire une pause, vous me le dites. Vous me faites des signes, ou si vous voulez pas faire de pause, vous me le dites pas. Et vous ne faites pas de signes, donc ça va continuer quand même. Quoi. Le contraire n'est pas possible parce que je n'ai pas compris le sens des mots. On va conclure encore un petit quart d'heure. Et d'accord. On va conclure pendant un quart d'heure. Donc l'émission Nuisance a commencé à l'heure pour une fois. Malheureusement, les invités étaient donc en retard. Comme à leur habitude. Comme à leur habitude. Bon. Comme mot de la fin, voilà. Bon. On peut en dire beaucoup en un quart d'heure, tu sais. Tu sais. On peut faire. Plutôt vous savez, je sais pas. Un enchaînement de mots. Peut-être, causalité, encore conséquence. Signification, quoi. Perdition. Oui, conciliation. Fellation. Réconciliation. Fait la scène. Fellation. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit? Oui, non, on l'a pas dit. Ça passe. Dans le coin obscur, je l'ai entendu dans mon coin obscur. Canalisation. Canalisation, déblatération. Est-ce qu'on peut arrêter de Scrabble maintenant? Frustration. Bon, d'accord, je te le concède. Je te l'accorde amplement. Je vais devenir auto-agressif et me frapper violemment. Ce n'est pas radiophonique, ne vous inquiétez pas. Boum, boum, crac, crac, ouille, j'ai mal. Voilà, autour d'une petite cigarette, on va entamer le dernier quart d'heure hein, sur Canal Sud 92.2. Il est très exactement 22h moins 12 minutes. Non, 23h. Heures. 23h moins 12 minutes. Oui, donc ce serait 22h48. 22h48 dans exactement une seconde. Et ça y est, 22h48 à mon horloge, pardon. Vous, dans quelques secondes, je crois, on va passer à 22h48, c'est ça, les filles? Alors, attention, ça y est. Ça y est, 22h48. Nous allons donc passer deux fuseaux horaires, celui de 22h48 et quelques secondes, et celui de 22h48 pile. Voilà, donc nous sommes fiers de nous. Bravo. Vraiment. Nous sommes les plus beaux. À ça. Et les plus belles, pardon, excusez-moi. Voilà. Les plus belles. Nous sommes les plus belles, on va changer la langue française. Nuisons à la langue française dans Nuisance. L'évolution de la langue française est donc collatérale à la vie. La vie étant donc évolutionnisme darwinien, donc toujours vers le meilleur. Nions l'évidence de la patriarcat incommensurable. Chions sur les pères et les mères, crevons-les. Finalement, l'abcès est toujours douloureux. Mais l'abcès est suinte. Donc justement, la session arrive à sa fin. Le terme, donc l'incidence, parlons-en. Le cendrier est là. La naissance, l'accouchement. Et ensuite, la spatule. Non, mais soyez pas si pessimiste, hein, je dis s'il vous plaît, la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Hein, la spatule. Voilà, la mère, on la crève. D'où le terme naissance. Vous pouvez mettre ma mère, les petites éprouvettes, on les garde au chaud comme ça. Mais les crever, bon, ça c'est la méthode de Josie, hein, moi je la conseille pas, franchement. Mais c'est qui Josie? Josie, c'est un peu tout le monde, tu vois. Josie, c'est pas toi par hasard. Josie, c'est nous. C'est toi, d'accord. Une Josie peut en cacher une autre. Hein, Tu projettes ton image sur moi, en fait, c'est ça? Non, je suis. Non, parce que tu me laisses pas la liberté de l'être, en fait. Non, mais je suis pas Josie plus que tu. Non, mais je peux pas être toi à ta place, tu vois. Non, mais excuse-moi, mais il y a un problème, tu vois. Non, mais attends. Je peux pas tolérer ça dans mon entourage, quoi. Je veux dire, des gens qui projettent leur image sur moi, je trouve ça pas naturel, quoi. Ou trop naturel, peut-être. Josie, dis-lui, toi. Naturel, en fait. C'est pas naturel d'être naturel comme ça. C'est pas naturel d'être naturel, mais qu'est-ce qui est naturel? Comme ça. Attends, non, ne joue pas sur les mots avec moi. J'ai le micro le plus fort. Je peux donc doubler mon volume. Ne joue pas tout court. À l'espace d'un instant, je peux doubler le volume comme ça. On a un adversaire qui va râler, hein, sinon. Si on joue tout court. Non, mais jouez pas. Ah bon, tu joues pas avec moi. Quel enjeu? Prout, caca. Le prout et le caca. Donc, quand on te demande ça va, tu pourras répondre ça va, j'ai fait nuisance hier soir, ça va. J'ai chié sur la gueule des autres. Non, mais pas du tout, mais c'est quoi ça? Ah, pardon, c'est moi qui dis ça. Pardon, excuse-moi. Pas du tout. Je n'ai pas chié donc là sur la gueule des autres. Excusez-nous. Donc, tu pourras dire ça va. Ah, pardon, l'intention n'est donc pas de nuire dans nuisance. Si, de nuire, mais bon, de chier sur la gueule des autres. On peut nuire positivement sans pourrir la face. Ah, c'est vrai, excuse-moi, je moisis. Mais quand on pourrit la face, en fait, on peut pourrir la face, mais sans chier. Mais c'est pas le pire de chier sur la face. Ça dépend si la face est dans le trou de balle ou pas, c'est ça que tu veux dire par pas chier. Il y en a qui kiffent. Non, mais si la face est dans le trou de balle, il n'y a pas besoin de chier en fait. Ça dépend. Mais c'est pas du fist fucking, donc ça ne rejoint pas le début de l'émission en fait. Voilà, j'en vois qui n'ont pas suivi quoi, tu vois. Il y en a qui n'ont pas suivi, tu vois. Non, mais il n'y a pas de boucle quoi. C'est pas possible qu'il y ait de boucle. Tu peux pas nuire à quelqu'un en bouclant quoi. En bouclant la boucle. C'est pas naturel d'être naturel comme ça. Nuire, c'est nuisance quoi. Ouais, c'est un peu, je sais, c'est redondant. Je suis obligé de le dire tous les quarts d'heure pour la légalité, quoi. Pour le rappeler. C'est pour ça que je dis 27 fois par demi-heure, pour être sûr. Ne pas rater une seule fois que je l'ai pas dit, quoi. C'est le but de nuire, quoi. L'intention. Bon, mais nous, on était bien contents de pas nuire hein, ce soir. Enfin, l'intention, voilà, L'intention y était peut-être, j'espère, en tout cas, de ma part. L'important, c'est de participer. Hein, oui, je cotise déjà assez, alors si c'est en plus pour ne pas nuire dans nuisance, je vais me retrouver dans une merde pas possible. Je vais devoir répondre, ça ne va pas. Ou ça va mal. Quand on demandera ça va, je dirais mal. Oui, ça va mal. Al va mal. Tout est à prendre au second degré. Hein. Quel degré, pardon? Le premier degré spirituel, donc de l'esprit, celui qui est jovial, donc comme Al. Al est jovial, joyeuseté, joie évidente de Al qui ne meurt pas tous les jours, mais qui est déjà mort en lui-même. Sacrifice de soi, donc dévotion, comme je disais au début de l'émission. Être présent à soi-même est toujours trop évident pour moi. Je préfère n'être qu'évidence même, que l'action n'agira pas à ma place. Voilà, donc si vous voulez acheter des sculptures, vous vous adressez à Josie en fin d'émission. Voilà, appelez. Appelez Josie. Sonia, si tu nous entends, Josie est là. Je suis là. Amalgame. Bon. Bah nous on va faire une dédicace à AJ hein, qui est en pleine performance là en ce moment, certainement sur la fin. Est-ce qu'ils sont à l'écoute là-bas, AJ, tu penses, Josie? Ah, ils sont à l'écoute. Bon bah AJ, on te fait un gros bibi, hein, on espère que tout s'est bien passé, le sang, les boyaux, les tripes. On fait un petit bibi aussi à NHK, hein. NHK représente NHK, HBC, WWW. Et on n'oublie pas bon Étienne, Mika, les opprimés, hein, alias Sonia. On va remercier également Josie hein, qui était x5 ce soir. Il y avait à peu près 5 ou 6 Josie, mais c'est plutôt bien marré. Josie, peut-on cacher 92.2, n'oubliez pas. Josie reviendra, et tôt ou tard. Josie! C'est mort. C'est donc la fin de Nuisance avec ses larcènes sempiternelles, ses déblatérations débiles et ses conneries. Toujours la merde dans la vie, la beauté est ailleurs. C'était le vendredi 11 février 2011. Les participantes et participants sont remerciés, se reconnaîtront et se remercieront eux-mêmes et elles-mêmes tantôt. Ciao. On peut retrouver l'émission donc comme d'habitude tous les vendredis